Marine Hernandez, bonjour. Merci beaucoup d'être venue nous voir à la radio du Thomas. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Oui, bonjour. Donc, je suis Marine Hernandez. Je suis chargée de mission au service des adaptations audiovisuelles de spectacles au sein de la direction de l'audiovisuel du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il faut savoir que le Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC, est très connu pour ses aides distribuées en direction du cinéma, aussi bien sur la production, de la distribution, de l'exploitation, mais accompagne aussi le travail de producteurs audiovisuels qui, avec le soutien de chaînes de télévision, proposent des fictions, du documentaire, des films d'animation et aussi des adaptations audiovisuelles de spectacles, qui sont des captations, des créations pour l'image ou des recréations de spectacles, spectacles vivants couvrant donc le champ à la fois du lyrique avec de l'opéra, de la musique classique, mais aussi du théâtre et beaucoup de musiques actuelles également qui constituent une très grosse partie de notre activité. Donc si je résume, il s'agit d'aider des réalisateurs à faire des œuvres pour l'audiovisuel avec du spectacle qui au départ est du spectacle vivant. Voilà. Comment ça fonctionne ? Comment le CNC choisit ses projets ? Eh bien, le CNC ne choisit pas ses projets. Les projets sont proposés par des producteurs audiovisuels qui, bien souvent, se sont rapprochés de producteurs de spectacles, ont obtenu auprès d'eux un périmètre de droit pour pouvoir à la fois procéder à la captation et imaginer une exploitation du programme pendant quelques années sur un territoire assez large. Exploitation qui concerne très directement les chaînes de télévision qui sont en réalité responsables de la politique éditoriale du CNC en matière d'adaptation audiovisuelle de spectacles, c'est-à-dire que tous les choix sont ceux des chaînes de télévision. Et nous, on accompagne les programmes des producteurs audiovisuels dès lors que les chaînes de télévision ont effectué un préachat, donc ont décidé pour leur ligne éditoriale, pour leur grille de programme, dans les 6 mois, un an et demi après la captation du programme, ont décidé de le mettre à l'antenne. Et donc c'est sur la base de ces choix-là que le CNC intervient auprès des producteurs audiovisuels pour leur donner des moyens, moyens financiers, afin qu'ils puissent s'engager dans une qualité artistique, à la fois sur le choix des programmes, enfin le choix des spectacles enregistrés, mais aussi sur ce qui est pour nous un prérequis de la qualité artistique, c'est le nombre de journées travaillées par une équipe technique qui accompagne le réalisateur ou la réalisatrice, à la fois sur la préparation, le tournage et la post-production. Pour nous, le secret d'une bonne captation, c'est qu'elle a été bien travaillée. Travaillée en amont, vraiment découpée, pensée, écrite et post-produite en aval afin d'avoir la meilleure qualité d'image possible. Et cette qualité d'image, elle est à la fois garantie par un niveau de dépense, surtout par un nombre de journées de travail payées au tarif de la convention collective pour un ensemble de chefs de poste, mais aussi à travers la reconnaissance du statut du réalisateur en tant qu'auteur du film. C'est-à-dire qu'une captation n'est pas strictement un enregistrement technique d'un spectacle en train de se jouer. Elle est avant tout le travail d'une pensée originale qui est celle du réalisateur ou de la réalisatrice, qui est très souvent en accord avec l'auteur et le metteur en scène du spectacle, va imprimer des choix sur le découpage, sur les axes, sur le rythme, parce que le temps du spectacle n'est pas le temps de la captation, qu'il y a beaucoup de choses dont il faut rendre compte, mais certaines qu'il faut certainement accepter de trahir pour pouvoir avoir une œuvre originale qui soit celle de sa transposition à l'image. D'accord, donc vous accompagnez des réalisateurs et en tout cas des productions. Si elles garantissent une qualité suffisante, ça on a compris en termes de travail. J'imagine qu'il y a d'autres critères, peut-être la durabilité des œuvres que vous allez accompagner. C'est ça, c'est-à-dire qu'on sait que les chaînes de télévision ont très souvent envie de mettre des programmes à l'antenne pour essayer de séduire, conforter, consolider une audience. Et on voudrait se prémunir contre un risque qui consisterait à proposer des programmes de divertissement simplement pour pouvoir satisfaire à des obligations de présentation du spectacle vivant à l'antenne. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir s'assurer de la patrimonialité du spectacle, à savoir de sa possibilité d'une rencontre durable entre l'œuvre et le public. Et ça, ça passe notamment à travers une exigence juridique d'une détention minimum des droits par le producteur audiovisuel, probablement en lien avec le producteur producteurs du spectacle pour qu'ils puissent exploiter sur le long cours et à travers différents modes d'exploitation, différents modes de mise à disposition du programme auprès des publics. Et ce, à la fois par la télévision, par le streaming, mais aussi par les droits cinéma ou les droits non commerciaux, notamment la mise à disposition des programmes dans les réseaux d'éducation artistique, dans les réseaux bibliothèques. Ça fait partie des choses, en tout cas, qui sont examinées favorablement et qui font même partie des critères d'éligibilité. Il faut que l'œuvre puisse s'inscrire dans une vision patrimoniale, constituer une valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs qui ont concouru à sa création. Donc que les artistes soient rémunérés en tant qu'auteurs et que les différents producteurs puissent être intéressés aussi par une meilleure valorisation des programmes, tant sur le plan artistique et éditorial qu'évidemment sur le plan financier, puisqu'on intervient dans une industrie culturelle. Alors vous aidez, j'imagine, des productions dans toute la France. Nous, ici, au Thomas, on accueille principalement des créateurs ultramarins. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets qui se font ou qui passent entre les mains du CNC, qui sont soutenus par le CNC, pour des captations, des réalisations à partir de spectacles d'outre-mer ou bien par des maisons de production qui viendraient d'outre-mer? Alors je dirais malheureusement pas assez, clairement. On constate que l'activité spectacle vivant du CNC concerne majoritairement des programmations parisiennes. On conduit un véritable effort pour essayer de donner corps à la décentralisation théâtrale et à la présence artistique d'équipes de très grande qualité sur l'ensemble du territoire. Donc les choses sont en train de s'opérer de manière plutôt favorable, mais on reste sur un territoire principalement hexagonal. La société Axe Sud a constitué un catalogue d'une très grande qualité, d'une très grande diversité, à travers un investissement, un travail de détection qui rentre en cohérence totale avec ce qui se passe ici pendant le festival à la chapelle du Verbe incarné, et tout se conduit tout au long de l'année à travers une attention à la fois précise et curieuse vis-à-vis de spectacles ultramarins et de productions qui pourraient se tenir sur les territoires d'outre-mer. Mais c'est encore un axe qui demeure à consolider, en tout cas dans la diversité des profils des porteurs de projets qui nous amènent des projets ultramarins. Oui, en tout cas, ce serait possible. Il n'y a ni indication particulièrement favorable, ni contre-indication au fait de soutenir des captations pour des spectacles d'outre-mer. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on est sur des aides, on organise des aides dont l'égalité d'accès est garantie par une certaine objectivité et automaticité des critères. C'est pour ça que c'était peut-être un petit peu rébarbatif, la chose que je vous ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas d'objectif de politique publique clairement établi en direction de telle esthétique, de tel type de programme, enfin de spectacle, ou de tel type de territoire. Mais les critères sont les mêmes pour tous, quelles que soient les économies des projets. Et donc, évidemment, il n'y a aucune discrimination qui peut être faite à l'encontre des projets ultramarins, et fort heureusement. Et à l'inverse, il existe une commission sélective à travers laquelle les projets de porteurs de projets qui sont plus émergents, en tout cas peut-être moins installés qu'un certain nombre de sociétés qui ont pignon sur rue et travaillent de manière très régulière dans des secteurs comme la fiction, le documentaire et le spectacle vivant, et qui disposent de ce qu'on appelle un compte automatique. Il existe cette commission sélective qui examine les projets à la fois dans leur caractère éditorial, artistique, et avec l'idée d'accompagner justement le développement de certains types de structures qui pourraient avoir des profils atypique et en tout cas qui nous intéresse. Et cette commission sélective a un examen plutôt bienveillant, en tout cas sur les projets qui pourraient venir d'outre-mer. Donc c'est possible et peut-être même que c'est en bonne voie. N'hésitez pas à me contacter si jamais des projets ultramarins pouvaient à un moment être présentés en commission sélective des adaptations audiovisuelles de spectacles sur le site du CNC. On n'y manquera pas. Merci beaucoup, Marina Hernandez, d'être venue parler à ces micros. Et puis merci bon beaucoup. Festival. Merci bien. Bonne journée.